Chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, profitez des rabais automnales. Louez le F-150 2019 à 99 $ par semaine ou encore le Ford Escape 2019 à 0% sur 72 mois. Jean Dumas Ford, 1711 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. N'hésitez pas à devenir membre de notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Ford, là où l'expérience client est inégalée. Tout le personnel et la direction de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous incite fortement à acheter localement pour préserver les emplois de chez nous. On va parler de NCAA avec notre ami Wallet. Salut Wallet. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, je veux te parler d'abord dans un premier temps du match. Je veux revenir sur le match Auburn de Florida. Bo Nix, ça a été son premier vraiment test en fin de semaine et c'était difficile pour lui. Hein. C'est un freshman puis il faisait face à une défensive très coriace, celle de Florida. Ouais, ben, je te dirais que c'était peut-être son troisième test, mais c'était de loin son test le plus dur. Là, on se rappellera, il avait bien fait contre Oregon en début de saison, puis par la suite, il avait été battre Texas A&M à la maison, mais là, c'était vraiment différent. Auburn, Florida, il y a quand même une petite rivalité entre ces deux équipes-là, puis l'environnement, ça avait l'air assez hostile. Puis on le savait, le Bo Nix, c'est une recrue. Là, v'là un an, il joue au secondaire. Puis là, tu lui demandes d'aller affronter des gros monsieur en Floride. Là, qui, t'as des joueurs de qualité NFL là, du côté de la défensive de la Floride. Je pense vite comme ça là, à David Reese, le linebacker des Gators. C'est un gars qui devrait jouer dans la NFL l'année prochaine. Il a 13 plaqués durant ce match-là. Ça n'a pas été un match facile pour lui, puis regarde, c'est des erreurs qu'il faut que tu t'attendes là, quand tu as une recrue au poste de corps arrière. Effectivement, donc écoute, c'est un freshman, c'est un gros test. Et Joe Burrow, troisième match consécutif avec 5 passes de toucher. Ouais, Joe Burrow qui est en train de littéralement battre tous les records de l'histoire de LSU. Ceci dit, puis je veux pas... Je suis un grand fan de Joe Burrow. Là, qu'est-ce qu'il a fait en début de saison, ça m'a vraiment impressionné. Mais on regarde les équipes qu'il a battues depuis le début de la saison. Puis si on enlève la victoire contre Texas, c'est pas des grosses équipes. Là. T'as deux équipes, t'as une équipe de division 2, t'as deux équipes du Group of Five, t'as Vanderbilt qui est pas une grosse équipe. Donc, ça va être assez intéressant là, cette semaine de voir Florida qu'on vient justement de parler avec une très bonne ligne offensive, une très bonne ligne défensive, se déplacer à bâton rouge pour aller affronter les Tigers de LSU. Moi, je pense que ça va être un très, très gros match de football. Ça va avoir un impact majeur là, sur le reste de la saison. Est-ce que c'est le meilleur cadre de l'histoire de LSU? Parce que je regarde ça, là, au moment où on se parle, je suis en train de regarder l'histoire des carrières de LSU. On dit que sur le site que je suis, on dit que Bert Jones est le meilleur, Tommy Alton, Matt Flynn, c'est le carrière que je connais le plus. Il y a Jamarcus Russell qui n'a rien fait dans la NFL avec les Raiders Oakland, qui était un premier choix. Mais je regarde ça, là, de gros prospects, LSU n'a pas fourni de grands carrières à la NFL. Là. Ben, LSU, c'est un peu ça leur marque de commerce, là, c'est d'avoir une grosse défensive là, qui ouais. Année après année. Tu regardes leur défensive, puis t'as à chaque position, que ce soit sur la ligne défensive, que ce soit les maraudeurs, que ce soit pardon, les backers ou les demi de coin, t'as tout le temps au moins trois gars qui vont jouer dans la NFL l'année suivante. En offensive, souvent des grosses lignes offensives avec d'excellents porteurs de ballon. Je fais juste de penser à Leonard Fournette ou Darius Guys, pardon. Mais les corps arrière, comme tu viens de le mentionner, ça fait un peu pitié. Moi, j'irais pas comparer une carrière NCAA avec une carrière NFL parce que le style de jeu est tellement différent. Mais effectivement, là, tu regardes ça, Jamarcus Russell, c'est celui qui me vient en tête, là, qui avait connu d'excellents moments avec LSU, mais clairement, n'a pas été capable de s'adapter à la NFL. Du côté de Joe Burrow, comme je viens tout juste d'expliquer, j'adore ce qu'il a fait en début de saison, mais c'est vraiment cette semaine que ça commence pour lui. Je veux voir ce qu'il est capable de faire contre une grosse défensive, une grosse équipe de la SEC. Puis, moi, je le dis, ça fait quelques semaines. En ce moment, si j'étais une équipe de la NFL et que j'avais besoin d'un corps arrière, ça serait peut-être le joueur que je regarderais ben oui, même devant... Lawrence. Ben devant Tua, devant Lawrence, que lui va sortir l'an prochain, devant Jake Fromm. En ce moment, c'est vraiment le joueur qui m'a impressionné le plus depuis le début de la saison. Puis, Ça, comme je dis, ce serait le joueur que je regarderais si j'étais une équipe de la NFL, mais il reste encore deux gros matchs de college, deux gros mois, pardon, de college football, donc les choses peuvent changer. On entend moins parler de Jalen Hurst, hein? En début de saison, Hurst était dominant. On entend moins parler un peu, là. C'est quand même drôle que tu dises ça, parce que je regardais encore une fois les statistiques. On voit qu'à chaque semaine, on compare les statistiques après X nombre de matchs. C'est quoi les statistiques? Puis Jalen Hurts est encore devant Baker Mayfield, est encore devant Kyler Murray en termes de statistiques après 6 matchs de la saison. Donc, je pense que c'est typique là, dans la NCAA. Il y a tout le temps comme des vagues. On était impressionnés de voir Jalen Hurts en début de saison. Là, on en parle un petit peu moins, mais Jalen Hurts, il y a un match extrêmement important samedi contre Texas. Le Red River Rivalry, un match classique année après année. Ouais. Je pense que ça va être vraiment à lui là, de montrer que c'est un corps dominant, puis qu'il mérite d'avoir toutes les attentions pour le Heisman jusqu'à la fin de la saison. J'ai hâte de voir. Bon, le match de la semaine que j'ai regardé était midi sur Fox. Oklahoma, justement, Jalen Hurst contre Texas, tu viens juste d'en parler. Ouais, effectivement, c'est comme que je viens de dire, c'est le match, c'est souvent là, un des plus gros matchs pour commencer le début de la saison. Là, on le sait, là, c'est deux équipes qui s'affrontent toujours au début octobre. Ils s'affrontent au Cotton Bowl à Dallas, qui est, même si c'est au Texas, ça reste que c'est un terrain neutre. C'est vraiment à mi-chemin entre les deux écoles. Puis cette saison, ben, comme à beaucoup d'autres saisons là, dans les dernières années, Oklahoma est favori pour remporter ce match-là par, si je me trompe pas, 10,5 points. Moi, personnellement, je m'attends à un match beaucoup plus serré là, dans les 6 dernières années. Je pense que 5 des matchs se sont terminés par moins de 5 points. Puis, on parlait beaucoup de Jalen Hurts, mais on parle plus beaucoup de Sam Hellinger qui connaît un excellent début de saison. Là. Il a déjà lancé pour 1448 verges pour 17 touchés puis seulement 2 interceptions. La seule différence que lui a avec Jalen Hurts, c'est qu'il court pas autant avec le ballon, mais il y a quand même des bons porteurs de ballon avec lui dans son équipe. Là. Je pense en particulier à Keontae Imgrun, qui est le porteur de ballon numéro 1 de l'école. Je pense qu'on va avoir droit à un très, très bon duel. Moi, je m'attends à un match qui va être serré. Je m'attends à un match qui va avoir beaucoup de points aussi, même si les deux équipes ont des bonnes défensives. Les défensives dans la Pac-12, dans la Big 12, laissent parfois à désirer. Donc, j'entends un gros duel offensif. Je serais pas surpris de voir les deux équipes mettre environ 40 points au tableau. 42-39 ou 43-40, ça serait ma prédiction. Je pense que les Sooners vont sauver avec cette victoire. OK. Dans les autres matchs à surveiller, ce que je regarde, c'est Alabama également. Alabama qui joue contre Texas A&M à 3h30 sur CBS. Oui, puis ça va être intéressant la plage horaire là, des matchs de 15h30. Tu as Alabama puis Clemson, que les deux équipes reviennent d'une semaine de congé. Alabama qui se déplace pour aller affronter Texas A&M. On le sait, le Texas A&M ont connu des ratés, là, sont déjà 3-2. Si Alabama est un peu rouillé en début de match, ça pourrait faire mal, mais je pense qu'ils ont des bonnes chances de se sauver avec ce match-là. Puis sinon, ben, je vais quand même intéresser là, de voir qu'est-ce qui se passe entre Florida State et Clemson. Puis la raison que je dis ça, c'est que Florida State, après un début de saison difficile, on dirait que ça commence enfin à cliquer, puis que l'équipe commence à jouer ensemble, ça commence à être une équipe dominante. Si Clemson n'ont pas ajusté leur petit pépin là, de début de saison, puis que Trevor Lawrence n'est pas capable de redevenir le corps dominant qu'on a vu l'an dernier, ça pourrait être un match dangereux pour Clemson, ça pourrait être un match qui pourrait les surprendre. Puis en ce moment, Clemson, si je ne me trompe pas, sont favoris par 27 points. J'ai de la misère à croire qu'ils vont gagner par 27 points parce qu'ils n'ont pas été dominants cette saison. Donc, ça pourrait être un match intéressant à suivre, un match que bien des gens vont penser que Clemson devrait gagner facilement. Moi, je ne m'attends pas à une victoire facile de Clemson, je m'attends à un bon duel de football. OK. Ben, Wallet, ça fait le tour pour cette semaine. On se reparle la semaine prochaine. Excellent. Donc, Wallet, site internet, lebitsnfl.com.